Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. C'est fou, portion top 5 pour la période du 4 au 17 septembre 2017. Et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania, on est là tous les midis du lundi au jeudi entre midi et 13h pour vous accompagner avec votre petit pain blanc. Oh que oui, le petit pain blanc comme la petite fille sur Internet qui se smash la face dans du pain. On appelle ça du bread face apparemment, hein, sur Instagram apparemment qu'elle a comme des centaines de milliers de suiveurs. Écoute, apparemment que c'est une sensation, oui. A sensation, mm-hmm. Sur Instagram. La fille, elle a une job de jour, là. C'est juste que le soir, pour ses abonnés Instagram, elle se smash la face dans du pain. Et là, on parle de... Elle prend un pain qui soit mou, dur, peu importe, et elle se frotte la face dessus. C'est tout ce qu'elle fait, là. Ouais. Donc, elle se met la tête sur la table, puis elle roule dans le pain, et ça s'appelle du bread facing. Écoute, Internet est bizarre. Fait qu'on est là c'est pour vous accompagner. On vous accompagne là-dedans. Si vous êtes un si déviant... Si vous êtes du genre à vouloir l'essayer... Envoyez-nous vos commentaires. Oui, et envoyez-nous pas votre pain. Non, surtout pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans l'émission, dans la portion top 5, on va bien sûr entendre les positions 5 à 1 et on va savoir d'ici la fin de l'émission si nos amis de Daniel Romano avec Roya en anglophone est toujours au sommet. Et du côté francophone, eh bien, on va essayer de savoir, en fait, qui est rendu au top 1 parce que si on se rappelle, eh bien, on a su que Louis-Philippe Gingras n'est plus au top 1. T'as bien raison. Commençons avec les positions numéro 5. En anglophone, ce sera mise en scène avec Closer qui monte de la 18e place. Et du côté francophone, on a descendu de 2 positions pour Fudge avec Satan. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Tu peux pas y faire, tu peux te sauver de l'hiver jusqu'à l'automne. 5. Avec la pièce Closer qui monte de la 10e place à la 5e anglophone. Et du côté francophone, je vous ai fait bouger un petit peu. C'était Satan de Fudge et non pas Fudge de Satan. Non. Tu sais, faut comprendre, faut faire attention. C'est ça, mélange pas les affaires. Et ça a bougé, ça a bougé, ça a bougé fort, ça a crié fort. Oui. On vous réveille pour l'heure on du dîner. On vous réveille. C'est pour ça qu'on a mis notre fond plein volume en venant. Hey boy. Hein? On s'est pris par surprise nous-mêmes. Oui, tellement qu'on voulait que ce soit surprenant. Pour ce numéro 4, en anglophone, ce sera Hooded Fang et Queen of Vague Sound del Norte qui montent de deux places. Du côté francophone, on s'en va écouter Beige à cœur avec Runaway. Ah, ben oui, Colin, c'est des palmarès assez fous, ça. Au 89 FM, Mathieu. Oui, oui, oui. J'ai entendu dire ça. Ouais, ouais, ouais. 4. MP3, t'as pas pogné à la fin, c'est vraiment, c'est juste redondant. Ouais, non, c'est ça, c'était juste ça, là. C'était strident comme ça, là. La pièce est bonne, mais elle est un petit peu stridente vers la fin. Hooded Fang avec Queen of Agusan del Norte, c'est la position numéro 4, ça monte de 2 places en anglophone, c'est depuis 4 palmarès. Et avant ça, on a entendu Runaway de Beige à cœur, qui, elle, est montée de 11 positions, Mathieu. On est passé de la 15e à la 4e, ça fait seulement 2 semaines qu'on est, ben, pas 2 semaines, faut 2 palmarès, oui, qu'on est là. Alors, très beau jump de la part de Beige à cœur. Colin, pour une fois que t'aimes une sorte de beige qui est genre pas les murs de notre studio. Écoute, les murs de notre studio sont indescriptibles. Ben, OK, il y en a... C'est pas vrai, j'ai un boss, ce sont super beaux les non, murs. Non, on peut être honnête, là, les murs, c'est l'équipe qui était là à l'époque, c'est-à-dire pas mal tout le monde sauf toi. Ouais. Ben, quoi que, c'est pas mal ça. Mais, donc, c'est beige sur 3 murs. Un genre de beige, c'est quasiment un blanc cassé, coquille d'œuf foncé un petit peu. Et à l'autre côté, il y a un mur qui est contre la baie vitrée, qui est brun foncé. Ouais. Moi, j'aime ça quand même. C'est, en tout cas, décor ta vie serait peut-être pas super in à l'idée de ce qu'on a fait. Ça marcherait si c'était de pas... de ce que vous avez fait. Si c'était pas des panneaux insonorisants qui sont comme un genre de bleu années 90, bleu mauve. Ouais. Ça clasherait peut-être moins, ce serait peut-être plus beau. Probablement. Bref, faudrait être là pour savoir de quoi on parle. Si jamais vous avez des idées de décoration. C'est ça, appelez-nous et venez le faire parce qu'on n'a pas de budget. Oui, aussi. Toujours au palmarès, c'est fou, c'est la portion top 5. On est rendu aux 3e place en anglophone, c'est Fou Niap avec Fool Wolf, pardon. Wolf and Plath, qui monte de la 14e place. Et j'ai pas zozoté juste parce que je zozote. C'est Plath avec un TH à la fin. Exactement. Et c'est là depuis deux palmarès. Et du côté francophone, on a monté de deux positions. C'est Primitif de Mordou Seigneur. Ah, au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Mm-hmm. De toutes les couleurs. Bon si, sandwich. Si ces couleurs-là sont beige oui. et brun. Ouais. Le, un sandwich, c'est beige. C'est vrai? Le pain. Le pain. Ben ouais. Le bread face. Ouais. Que faites-vous primitif dans le sens le plus sapien? Presque sens d'un nouveau mode de pensée. La plus belle avenue du monde n'est pas faite de pavés. La plus belle avenue du monde, c'est la main drag de ton esprit de Calais. Beat for you when life is be your heart. Winter catches and you must start. Come back to me. I'll be your heart. Sois pas... Chante. T'es une chanteuse. Tu peux chanter plus fort, là. Non, mais... Sois pas gêné. C'est pour endormir les gens sur leur dîner okay. Pour la sieste. Ah, pour la sieste? Ben oui, parce que tu fais pas de sieste après avoir mangé, toi, Mathieu? Non, je fais pas. Ah, mais moi, je pensais que c'était ça le but de la chanson. Hey, je vais faire comme tantôt, puis repartir le son au plein volume. Yeah! Oh, yeah! Full Yap avec Wolf and Platt qui... Wolf and Platt. Wolf and Platt. Platt, qui monte de la 14e à la 3e. C'est pas une mauvaise pièce, mais elle est vraiment très calme sur l'album À Propos. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Mon doux seigneur avec Primitif, qui elle est montée de 2 positions depuis le dernier palmarès sur l'album Mon doux seigneur. Quelle originalité. Ben, tu vois, ça c'est... Au moins, t'as pas traité le seigneur en vain, là, comment... Non, c'est vrai, j'ai fait attention. Il est doux de la barbe. Il est doux de la barbe. De la barbe. Il est grand, le mystère de la foi. C'est l'enfant qui chantait ça. Oui, hein, mais partout. C'est une chanson classique d'église. Mais oui, mais oh, c'est pas dans Une galaxie près de chez vous qui avait fait ça à un moment donné. Okay. On avait fait comme une espèce de parodie. Ah ouais? Parce que je vais trop à l'église. Hey, ça fait longtemps que je vais être à l'église. Ouais. As-tu vu qu'il recommence à jouer dans Une galaxie sur UniTV à côté de Radio Enfer et de Charlepoule? Non, j'ai les pas vu ça. Les vendredis soirs. Parce que j'ai pas le câble. Ah, j'ai juste Netflix. Mais ils sont disponibles sur demande sur leur site web. Ah, pour vrai? UniTV, ouais. OK, bon, mais je vais peut-être aller voir, les jeter un petit coup d'œil. Au moins les premiers pour t'en mettre dedans un petit peu. Clairement. Bref, on est rendu aux positions numéro 2. Déjà, là, ça passe vraiment vite à cette portion top 5. En anglophone, ce sera... Oh, bye. L'ancien numéro 1 de la vie. Oh. C'est Pink Kimono de White Horse qui descend donc d'une place, 3e palmarès de présence sur l'album Panther in the Dollhouse. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de 17 positions. On niaise pas là, cette semaine du côté francophone. On s'en va écouter Tôle froide de Les Michel. Mm-hmm. C'est les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Portion top 5. Bonne petite carotte. Très bien. Panther in the Dollhouse, lancé numéro 1 anglophone. Du côté francophone, on a entendu les Michel, mais je tiens à vous le dire, là, Michel avec des points dans le Michel. Oui. C'est-à-dire Michel, point L-E, ouais. Point, point S. S. C'est comme ça que ça se passe. C'était Tôle froide, pièce assez bonne. Oui, assez bonne, absolument. J'aime bien. Ouais. C'est un nom bizarre, ça, les Michel avec des points partout. Ça me fait un petit peu lever le sourcil. Le sourcil? Oh, comme le mono-sourcil? Comme le mono-sourcil! Hey, hein? Le mono-sourcil! Le mono-sourcil! De la fille sur laquelle j'étais tombée tantôt! J'essaie de te lancer la balle pour avoir oui, de quoi dire! Je sais, fermé ton anglais, je te gage. Ben oui, c'est tout en ça qui arrive, moi. C'est ça, tu fermes tout le temps trop vite tes affaires, contrairement à d'autres qui laissent tout le temps tout ouvert, peu importe sur quel ordi ils jouent. OK, j'ai retrouvé Mathieu. Oui. On parle ici de Sofia Adji Pantelli. Oui. Et pour ceux qui connaissent très bien l'ancienne modèle, là, qui était... Celle sur la peinture, la Frida Kahlo. Frida Kahlo. Oui. Eh bien, Frida Kahlo, c'est rien comparé du mono-sourcil de On Sofia. On parle de sourcils comme un buisson, je dirais. Je pense qu'elle passe le fer plat dedans. Je sais pas. Puis en plus, ils sont comme vraiment épais. Oui, on dirait des cornes. C'est... Ils sont comme... C'est très accentué comme noir. Ils sont comme noirs, mais dans le milieu, ils sont comme un petit peu plus pâles. Oui, puis elle a les cheveux blonds, fait qu'automatiquement, tu sais, tes yeux sont portés à aller... Mais est-ce qu'elle se les teint pour qu'ils soient noirs? Je vais croire. D'après moi, ses cheveux sont teints. Ah! Mais pourquoi son milieu est blond? Non, c'est son milieu de cheveux est noir. Non, je comprends rien. En tout cas. En tout cas. Écoute, hein? Je vais l'aller sur Instagram, puis je vais le savoir. C'est... Hein? Tout qu'un mono-sourcil! Oui. Non, mais tu sais, on n'a rien contre, tu sais. Non! Mais ils l'ont engagé comme top model. Embrace your own beauty, c'est parfait. Mais comme top model. Bah, hey! Hein? 50 000 fans sur Instagram. On fait face à énormément de critiques négatives, même à des messages de haine à chaque photo qu'elle publie. Ah, franchement. Je pense que... Non, ça va trop loin. C'est ça. Non, tu sais, je suis un fan de modèles alternatifs. Là. J'adore les top modèles alternatifs. Mais celle-là, c'est un peu déplaisant. Tu sais, elle va à l'université. Ouais. Puis elle dit qu'elle reçoit des commentaires à tous les jours. Ouais. Plein de jugements. Ouais. Sur son mono. Quelqu'un qui a, je sais pas, une tache de naissance ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est cool. Là. Mais ton mono-sourcil, tu sais... Je sais pas. Ça se modifie. Je sais pas. C'est un monosourcil. Ouais. I mean. Je sais pas, on dirait qu'on a comme un préjugé contre les monosourcils dans la vie en général. T'sais. Ouais, mais c'est parce que. Non, Tania. Retiens-toi, Tania. Exactement. C'est ça. Non, parce que t'as un contrôle, je veux dire, là-dessus. C'est ça que je veux dire. T'as le contrôle sur ça. Quand t'as pas le contrôle sur ce que t'as, c'est autre chose. Je pense que ça aurait été moins pire si elle les avait teintes de la même couleur que ses cheveux. Non, mais tant qu'elle les teinte aussi bien le chop-chop, non? Ouais, mais tu sais, en même temps. She does what she wants, hein? Je sais. C'est ça. Je sais bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour vrai, en plus, je suis le premier à encourager la diversité comme ça. Exactement. Mais, c'est ça. Je trouve juste sur elle, ça fait drôle. C'est très drôle. Bref, on a du temps, mais quand même pas tant de temps. Ça fait qu'on peut arrêter de parler. Hein? Oui. On a fait les portions, la portion 5 à 2. Il nous reste seulement les numéros 1. Mais avant de passer au numéro 1, Tania, je t'annonce tout de suite qu'on va recommencer à chanter comme dans le bon vieux temps ensemble. Non! Voici je ailleurs. Ah, je vais t'en chanter, tu vois. Okay. C'est ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Donc, vous avez soit craché votre jus, vous êtes étouffé avec votre carotte. Ou le céleri est resté pogné parce que vous êtes partis à rire parce qu'on a chanté. Peut-être tout en même temps s'ils se font un smoothie carotte et céleri. Écoute, c'est possible. C'est un repas. Oubliez pas le kale. Oubliez pas le kale. Le fameux kale. Pas n'importe kale. Les grandes gueules. Bon, donc... ailleurs dans les palmarès, c'est la section où on regarde ce qui se passe, je dirais, ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est pas seulement, même les rumeurs le disent, mais c'est faux que c'est seulement un top 20 francophone, un top 20 anglophone, hey, ça va bien plus loin que ça. Hey, ça, c'est comme si on avait deux sourcils, le ailleurs dans les palmarès, c'est comme... Puis qu'on le joignait en plein milieu du front. Ça, c'est le ailleurs. C'est ça. Dans le palmarès. Donc, on a le top 30 des albums. Qui contient cette fois-ci 4 nouvelles entrées. Donc, je vais les faire et tu t'occuperas du top 3 si t'en as envie. Donc, nouvelle entrée en 27e place, Faith Healer et Try, c'est le nom de l'album. En 24e, c'est Teen Anger. Ouais. La haine adolescente avec l'album qui est drôlement nommé Teenager. Et j'ai vérifié, c'est pas une faute de frappe, il s'appelle vraiment Teenager, mais le bel, c'est Teen Anger. Merveilleux. Teen Burger. Position numéro 20. Queens of the Stone Age avec Villains. En 19e, c'est Stephen Wilson et To the Bone. Et 18e place, Walrus avec Family Hangover. Les trois que je viens de mentionner là le plus récemment sont aussi dans le top 20. Donc, on les a entendus dans l'édition. Top 20. Hein? Exactement. En troisième position, on retrouve Phony App avec À propos. Sinon, en deuxième position, White Horse avec Panther in the Dollhouse, qui est le nom de l'album. Et Daniel Romano avec Modern Pressure. Mm-hmm. Avec un nom d'artiste. Pressure. Under pressure. Le band Phony App, là, toi, t'as dit Phony App. Phony App, ouais. Phony App, mais on sait pas comment le prononcer. Écoute, ça. Hein? C'est des bands obscures, là, ils te le diront pas, là, quand même. On peut pas les appeler et demander, là. Top 3 des tickets canadiens. On a 3 albums et ils sont pas mal dans le même ordre que le top 30 des albums, donc on laisse faire. C'est ça. On laisse faire. Du côté du top 10 Loud, on a 6 nouvelles entrées. Je m'occupe des 9e, 7e et 4e. Donc en 9e, Tau Cross avec l'album Pillar of Fire. En 7e, Vulture avec The Guillotine. Et en 4e place, c'est Outrage avec Buried Pieces. Et le top 3 du côté Loud, eh bien, c'est Rage avec Seasons of the Black, Venom Incorporated avec AV. Et le top 1, c'est Accept de l'album The Rise of Chaos. Mm-hmm. Et comme on vous a déjà fait peur avec vos carottes et votre céleri, quand on a chanté tantôt, on va pas vous faire jouer de l'art aujourd'hui, on va faire jouer deux pièces du top 30 des albums. Ah, oh, c'est gentil. C'est fin, hein? Donc ce sont les nouvelles entrées qu'on va entendre et qu'on n'a pas entendues dans le top 20 au début dans la portion top 20. Donc on va entendre en 24e place Teenager tantôt avec l'album Teenager et la pièce Two Middle Fingers. Mais on débute avec la 26e place du top 30 des albums, c'est-à-dire Faith Healer. L'album s'appelle Try et l'extrait qu'on écoute s'appelle aussi Try. Oh, d'accord. Oh, pas mal, c'est fou. OK, après le FFM. Is it the strength of my emotion? Is it the weakness of my soul that keeps me laughing at the answer? I wanna cry about it though. I wanna cry about it. I don't think I could try. Lead Anger et l'album Teenager. La pièce Two Middle Fingers et avant ça, on a entendu Faith Healer, la pièce de l'album Try. Deux extraits du top 30 des albums dans la section ailleurs dans les palmarès. Dans les palmarès ailleurs. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a chanté qu'il fallait qu'on la chante deux fois. Hein. C'est ça. Oh, wow! Donc, il y aura seulement les positions numéro 1 à entendre, Tania, dans cette portion top 5. Et ça tombe bien parce qu'on arrive exactement dans les temps pour les entendre, les deux. On sait qu'on a deux nouveaux numéro 1 dans ces palmarès-là. Donc, du côté anglophone, ça monte de deux places et je te révèle à l'instant que c'est Daniel Romano et la pièce Roya sur l'album Modern Pressure. Écoute, Mathieu, du côté francophone... Je t'écoute. C'est fou. Ouais. Le saut qu'on a fait. Oh. On est parti de la 20e place à la première place. Uh-huh. Je parle de Amor Blitz avec la transcendance. Ouais, si tu me l'as demandé, je t'aurais répondu, je l'aurais su. Ben oui, c'est sûr. C'est ça, t'as les feuilles devant toi. C'est ça. Il y a ça. Aussi. Il y a ça. Hey, on parlait de sourcils tantôt, de monosourcils. Ouais. J'en ai pas. Non. Okay, je comparais ça un peu à, tu sais, mettons, parce que là, tu sais, tantôt, on a peut-être l'air un petit peu sévère envers quelqu'un qui aurait un monosourcil. C'est pas comme ça que je voulais. Non, en même, effet, on voulait pas parler des, en mal des gens qui ont des Non. On parle juste de, mettons, si t'étais née femme à barbe. Oui. Qu'est-ce que t'aurais fait? Je l'aurais rasé. Bon, tu vois. Fait que c'est quoi la différence entre une barbe puis un sourcil? Hein? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ça de même, là, tu sais, c'est juste une réflexion. Faudrait poser la question. Ah, madame Polonard. C'est ça. Amor Blitz, donc, la transcendance tout de suite dans les palmarès. C'est fou. Assassiné, démon, mes problèmes. Je veux bien voir cette merveille du monde. Guillotiné, les fantômes, mes colères. Devant le temple d'Artemis, le colosse de Rhodes. Où est la transcendance? I was searching all directions when you caught me. Laying breathless as I tried to scream your name anywhere the wind would blow. Royal, my guardian of my soul. C'était Daniel Romano avec Royal. Voilà qui termine cette portion top 5 des palmarès. C'est fou, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve du lundi au jeudi entre midi et 13h et en rafale les samedis. Samedi, oui. À midi. Exactement. C'est maintenant les éditions week-end, c'est comme ça. Donc soyez-y. Ah, j'ai pas baissé la bonne affaire. Attends un peu. Ah, yeah. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe-t-il, Mathieu? Il y a comme la musique égyptienne en arrière. On refait ça? On refait okay, ça. OK, OK. C'était Daniel Royal. Daniel, non, c'est même pas ça en plus. Mais hey non. C'était Daniel Romano. Exact. Avec Roya. Wow. Hein? Oui. Ça finit bien l'émission. Et finalement, on l'a eu. Et du côté francophone, c'était la transcendance avec Amor Blitz. Voilà pour le top 5. On se retrouve du lundi au jeudi entre midi et 13h et en rafale les samedis à midi. Donc, soyez-y pour l'édition Weekend des Palmarès. C'est fou. Bye bye. Bye.